deuxième temps d'une série de La Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire de la cuisine. Aujourd'hui, le documentaire. Hier, l'historien américain Thomas Parker nous a expliqué comment la France avait inventé la notion de terroir avec son livre « Le goût du terroir ». Demain, nous nous demanderons comment on a pratiqué au 19e et au 20e siècle les banquets républicains. Et aujourd'hui, eh bien, le documentaire qui est signé Olivier Chaumel et Thomas Duterre nous présente une personnalité très particulière, celle d'Édouard de Pomian, un scientifique, un médecin, un chercheur, un cuisinier, un gastronome qui a tenté d'expliquer comment scientifiquement, on faisait de la cuisine une sorte d'ancêtre de celui qu'on connaît aujourd'hui, Hervé Tisse, qui travaille lui aussi scientifiquement sur la cuisine. C'est cette histoire qui nous est racontée dans le documentaire d'aujourd'hui grâce aux témoignages et aux analyses de Julia Zergaud, de Fabrice Grenard, d'Emmanuel Perraudin, de Laurent Séminel, d'Hervé Tisse, de Fabrice Krenker et d'Hélène de Tovard. Paris, comme toutes les grandes villes, mange à toute heure. Il trouvera désormais la gentille vendeuse ambulante de hot dogs. Si le nom est américain, la chose est quand même bien française. C'est ce qu'ont démontré avec le docteur de Pomian, gastronome et diététicien distingué, le baron de Zigane, redevenu Georges Guettari, en compagnie de Bourville. Laurent Séminel, vous êtes le patron d'une maison d'édition dont le catalogue s'intéresse à la cuisine. Qui est Édouard de Pomian, né Édouard Pozerski? Alors c'est un homme qui a eu plein de vies. Il était médecin, il a été chercheur à l'Institut Pasteur, et puis il a été un écrivain ou un chroniqueur de la gastronomie pendant de nombreuses années. Mmh. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il est aujourd'hui presque plus connu aux États-Unis ou en Angleterre qu'en France, où il est un peu tombé dans l'oubli. Alors qu'aux États-Unis, ses livres sont encore régulièrement publiés, quoi. Peut-être, je sais pas, ça, peut-être sa moustache, sa façon de parler, qui était très, très française ou folklorique, peut-être. Et puis dans sa manière d'écrire, c'est aussi quelque chose qui est assez scientifique, parce qu'il est scientifique à la base. C'est technique, tout ce qu'il raconte sur la cuisine, mais c'est surtout plein d'anecdotes, c'est super généreux. C'est drôle, c'est de la science qui n'est pas chiante, quoi. Et ça, c'est ça qui est bien, parce que c'est souvent ce qu'il dit par rapport à la cuisine, quoi. Il faut d'abord mettre beaucoup d'amour dans le cassoulet, sinon il ne sera pas bon. On va en mettre des saucisses, mais on va mettre surtout beaucoup d'amour. C'est ça qui va compter. Le personnage qui nous préoccupe est constitué de deux êtres distincts. Il y a d'une part Édouard Pozerski, avec un petit point sur le Z à la polonaise, qui fait qu'on dit Pozerski et pas Pozerski, lequel entre à l'Institut Pasteur en 1901 pour étudier la physiologie de la digestion et qui y restera jusqu'à sa mort en 1964. Et d'autre part, Édouard de Pomian, auteur de nombreux livres de cuisine et inventeur de la gastrotechnie, qu'on peut considérer comme un ancêtre lointain de la cuisine moléculaire. L'un était plus célèbre que l'autre. La science est par nature discrète. Un jour, Pozerski montrait l'Institut Pasteur à des visiteurs, comme il en avait l'habitude. Et une dame lui fit remarquer qu'il ressemblait beaucoup au docteur de Pomian, dont elle connaissait le visage par les journaux. Pozerski de Pomian répondit « C'est normal, madame, c'est mon frère jumeau. Mais vous ne portez pas le même nom, parce que nous ne sommes pas du même père. » Édouard de Pomian, médecin, chercheur, cuisinier, gastronome. Olivier Chaumel, Thomas Duterre. Vous êtes donc Hélène de Tovard, la fille de la fille d'Édouard de Pomian. Voilà, oui, qui s'appelait Wanda Pozerska. Et mon père était de la région blésoise, un tourangeau bien français. Et ils sont connus en fac de médecine. Il y a une histoire des parents d'Édouard de Pomian qui est remarquable. Le père comme la mère ont vécu chacun leur odyssée avant de se retrouver À Paris. À Paris. Oui. Alors, elle était la petite fille du gouverneur de Varsovie. Et au début de l'insurrection, elle essayait de sauver des prisonniers en les maquillant en femmes. Elle emportait des vêtements, et paraît-il, parce que c'est l'âme slave, hein, il y a peut-être beaucoup de romantisme là-dedans, elle arrivait à faire se sauver des prisonniers. Et alors, le père d'Édouard de Pomiane, qui s'appelle aussi Édouard Pojarski, donc. Oui, alors lui, il est de Vilnius, et il était commissaire de police, mais c'est un révolutionnaire. Et donc, il a été fait prisonnier et embarqué en Sibérie. Et paraît-il qu'il s'est retrouvé dans la même cellule que Dostoïevski, avec un petit samovar qui est dans la famille. Et notre grand-père nous a toujours dit que ça venait de cette époque-là et qu'ils avaient pris le thé ensemble dans la cellule. L'histoire est presque trop belle. Presque trop belle. Je sais pas si elle est vraie, si c'est une légende, si... Le grand-père adorait raconter ses histoires, enjolivait peut-être, je ne sais pas. Mais nous, on y croit. Et on transmet de génération en génération. Je vais vous raconter ça. Mon papa et ma maman étaient polonais. Ils avaient été forcés de quitter leur pays après avoir lutté pour son indépendance. La bonne France les a accueillis à bras ouverts. Ils se sont fixés à Paris, et moi, je suis né sur la butte Montmartre. Nous n'étions pas bien riches, nous étions même très pauvres. Malgré cela, souvent, le dimanche, d'autres exilés venaient déjeuner avec nous. Mon papa faisait un plat de son pays. Eh bien, chaque fois, mes parents et leurs amis mangeaient et pleuraient. La vue, le parfum, la saveur d'un plat national rappelaient à chacun sa patrie malheureuse et lointaine. Alors j'ai compris que dans ce qu'on mange, on peut trouver non seulement un aliment, mais encore du sentiment, de la poésie. Mon papa me disait qu'un plat national, c'est une communion. Édouard de Pomiane, Julia Sergaud. Déjà un personnage qui me semble extrêmement attachant et malheureusement trop méconnu. Et une des figures marquantes de la gastronomie de l'entre-deux-guerres, en réalité. Un personnage assez extravagant, assez éclectique même, avec ses recherches, puisqu'il est docteur en médecine et docteur en sciences naturelles, donc avec toutes ses recherches extrêmement pointues, sérieuses, qu'il mène à l'Institut Pasteur autour des problèmes de la digestion, des sucs pancréatiques, intestinaux, etc., des enzymes, enfin toutes ces questions-là, très sérieuses. Et d'un autre côté, un homme qui s'est beaucoup intéressé donc à l'alimentation. Alors, de ce point de vue-là, je ne peux pas dire qu'il innove véritablement, parce que déjà, dans la deuxième moitié du 19e siècle, on a beaucoup de médecins qui travaillent sur l'alimentation. Mais ils travaillent beaucoup sur la question de la nutrition, de l'alimentation rationnelle, etc. On a donc des médecins qui s'intéressent à ce que doit manger le sujet pour être en bonne santé, en réalité, voilà, et compte tenu des apports en protéines, en glucides, en lipides, etc., des aliments. Ce sont des sujets auxquels Pomiane s'intéresse aussi. Oui, c'est ça. Donc, il s'y intéresse, mais lui ne s'y intéresse pas du même point de vue. Hein, c'est-à-dire que les autres, oui, ils donnaient des conférences pour une alimentation rationnelle. La chose très étonnante avec Pomiane, c'est que lui, en fait, va être un médecin cuisinier et gastronome, en fait, ce que n'étaient pas les autres. C'est-à-dire qu'il se laisse évidemment happer par cette gastronomie qui occupe beaucoup quand même l'entre-deux-guerres en France, hein, ce mouvement, ces personnages hauts en couleur comme Kurnonski, fondateur de l'Académie des gastronomes, à laquelle d'ailleurs Pomiane il sera cofondateur de cette académie, et il va s'intéresser, se passionner pour la cuisine. Je vais tout vous expliquer. Depuis très très longtemps, j'étudie dans mon laboratoire de l'Institut Pasteur les phénomènes de la digestion. Je mets dans des petits tubes de verre des morceaux de viande crue ou cuite, des parcelles d'œufs durs, des morceaux de beurre. J'y ajoute des liquides sécrétés par l'estomac, l'intestin, le foie, et je regarde ce qui se passe. Ces liquides dissolvent les aliments. Cette dissolution s'appelle la digestion. Après avoir étudié la digestion d'aliments simples, d'albumine d'œufs ou de viande crue, j'ai voulu comprendre comment se digèrent les mets plus compliqués que l'on prépare tous les jours. J'ai étudié la digestion des beefsteaks aux pommes, du pot-au-feu, du ragoût de mouton, de la raie au beurre noir, de la mayonnaise. J'ai vu que ça n'allait pas tout seul. Alors, j'ai cherché à savoir la différence qui existe entre un morceau de bœuf grillé et de bœuf bouilli. J'ai étudié les phénomènes physiques et chimiques qui se passent à la cuisine, dans la casserole ou la poêle à frire. Après avoir étudié ces phénomènes pendant 10 ans, j'ai compris ce qu'est la cuisine. Alors je l'ai enseigné comme une science et je me suis mis à faire ma cuisine moi-même. Je vous assure que ce n'est pas très compliqué. Il suffit, premièrement, de n'être pas difficile. Deuxièmement, de chercher à comprendre ce que l'on fait. À cette cuisine basée sur la science, j'ai donné le nom de gastrotechnie pour avoir l'air plus savant. Le mot gastrotechnie, c'est lui qui le forme, Julia Sergaud. C'est lui qui invente ce néologisme. Donc, il définit la gastronomie comme l'art. Mais en fait, la gastrotechnie, c'est toute cette science de la cuisson, de la liaison, qui fait que on peut ensuite produire de la gastronomie, en réalité. Hein. Et moi, je trouve que ces points de vue sont extrêmement intéressants. Mais ce qui est aussi extrêmement attachant dans ce personnage, c'est que, manifestement, dans ce qu'on peut avoir lu sur sa vie, ce qu'il raconte lui-même, puisqu'il est fils d'émigrés polonais, qu'il a vécu dans cette famille pauvre, comme beaucoup d'émigrés polonais de l'époque, et on voit qu'il a toujours attaché beaucoup d'importance, finalement, à l'alimentation, à la nourriture. C'est quelqu'un qui dit qu'il a manqué en réalité, parce que pendant toute son enfance, il a manqué. Il nous raconte comment il était élève à l'école polonaise qu'on appelle l'école des Batignolles, et il nous relate par le menu ce qu'il mangeait. De la soupe, du pain, des légumineuses. Alors le luxe, c'était d'avoir un jour des lentilles et le lendemain des haricots, etc. Avec ce régime extrêmement fixe. Et il dit lui-même que les enfants, les élèves de cette école étaient fatigués par manque de sommeil et par manque d'une alimentation équilibrée. Et moi, je trouve ça intéressant parce qu'il me semble que c'est quelqu'un qui est finalement complètement resté fidèle à lui-même et à son histoire. Grand-père, mais adorable, toujours prêt à nous faire rire, bon vivant, joyeux, très sentimental. Quand il venait, à l'époque, c'était le jeudi, j'avais un frère qui se mettait au piano et le grand-père disait « tu me joues du Chopin » et il se mettait à pleurer tous les jeudis. Tous les jeudis, on avait droit à la cérémonie Chopin larmes. Et on trouve ça absolument naturel. La vieille Pologne, le grand-père qui a été si malheureux, Chopin, les violons. Et on adorait ça, on adorait ça. Il parlait polonais avec ma mère, qui ne nous parlait pas polonais, donc on sait dire 2-3 mots, aimons-nous, bien sûr, parce que ça c'est un truc très polonais, quand on boit de l'alcool, donne-moi ton assiette, etc., tout tourne autour de la nourriture encore. Ils se disputaient en polonais, ma mère et mon grand-père, mais on ne comprenait pas de quoi il s'agissait. Surtout, j'ai un événement très présent, On passait nos vacances en Bretagne dans une petite île minuscule où mes parents mettaient des casiers et des filets de pêche et ils revenaient avec, à l'époque, il y avait du poisson, il y avait tout ça, et avec des homards, des dorades, des oursins. Ils étalaient ça sur le quai qui était juste devant la maison pour nettoyer le filet. Et puis ensuite, ma mère voulait mettre ça à l'ombre. Et mon grand-père, c'est là où il y avait la dispute, mon grand-père voulait absolument tout ça sur le quai, au soleil, installé avec du goémon, des jolis plats, un verre de vin, une bouteille, et il voulait peindre, parce qu'en fait, il peignait énormément. Donc, il laissait ça au soleil, et ma mère disait que ça allait pourrir, vraisemblablement. Donc, c'était des disputes en polonais inénarrables. C'était hystérique. Et ça, on a un grand souvenir de ça, parce qu'on ne comprenait pas, mais on riait comme des fous. Emmanuel Perraudin, vous êtes cuisinier et historien tout à la fois. On va essayer de comprendre ce que Pomian a appelé la gastrotechnie. Vous allez me commenter ce que dit Pomian, Emmanuel Perraudin. La cuisine, cette technique qui vous paraît si compliquée, se réduit à la compréhension et à la mise en pratique de six principes de physique et de chimie appliqués qui sont la cuisson à l'eau, la friture, la grillade et le rôti, l'étouffée, la liaison à l'amidon, la liaison au jaune d'œuf. En dehors de ces six techniques, il n'existe pas un seul geste culinaire. Est-ce qu'il ne va pas un peu vite quand même ? Oui, évidemment qu'il va vite. En fait, il a identifié ces techniques-là comme étant les techniques essentielles et le noyau dur, finalement, de ce qu'était la cuisson et le geste culinaire français. Il simplifie volontairement. Il l'a simplifié volontairement, en fait, uniquement à des buts pédagogiques pour pouvoir justement faciliter la compréhension de son message. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce que le choix est bon, si vous voulez ? La cuisson à l'eau, la friture, la grillade et le rôti, l'étouffée, la liaison à l'amidon, la liaison au jaune d'œuf. Oui, c'est pertinent, c'est extrêmement pertinent. Par exemple, avec ça, on peut aller déjà assez loin. On peut aller très très loin. Énormément d'importance évidemment au goût lui-même, parle d'ailleurs de psychisme culinaire, ce qu'il appelle comment on ouvre l'appétit, comment la gastronomie ouvre l'appétit avec ce qu'on connaît, avec le visuel, avec toutes ces approches de la gastronomie, avec la compagnie, la sociabilité à table. Mais pendant toute sa vie, il s'inscrit dans le courant des réformistes, en fait, hein, de la réforme sociale. Et il va s'intéresser vraiment aux gens. D'abord, il va faire des conférences dans les banlieues auprès des ouvriers, etc. Donc, il va s'intéresser aux gens pauvres, en fait, aux gens des milieux dont il est issu, pour toujours porter la bonne parole, toujours enseigner la cuisine, toujours montrer en quoi est-ce qu'elle est indispensable à une qualité de vie, à une harmonie de vie. Expliquer comment on peut faire une cuisine simple, même si on n'a pas le temps, même si on n'a pas beaucoup d'argent, etc. Et comment on peut faire quelque chose de goûteux, de bon, qui procure du plaisir dans la vie. 13 juillet 1952. Puisque le docteur de Pomian a bien voulu nous rendre visite, je vous dirai que le nom du docteur de Pomian est attaché depuis si longtemps aux manifestations gastronomiques et littéraires que je voudrais lui demander, avant de nous présenter Le Monde à Table, le livre qui vient de paraître, de nous faire une confidence. Docteur, vous qui participez à tous les grands dîners parisiens, comment faites-vous, mon Dieu, pour garder le teint aussi frais et la mine aussi prospère, aussi florissante? Je vous remercie beaucoup pour votre compliment. Enfin, je vais vous faire une confession à mon tour. Quand j'ai fait un très bon dîner, un jour, eh bien le lendemain, je ne mange rien du tout. Je bois de l'eau claire, je mange des fruits, et je m'en trouve fort, fort bien. Mais c'est chaque péché doit être suivi d'une pénitence. C'est une recette spartiate, ou presque. Non, les spartiates mangeaient très mal. Ne croyez pas que les spartiates ne buvaient que de l'eau. Certainement, ils buvaient que de l'eau, seulement ils mangeaient le brouet noir. Or, le brouet noir, vous savez ce que c'est ? C'est du boudin, tout ça fait, c'est sans boyau. Le brouet noir était composé, ça c'est la cuisine étrangère, la cuisine grecque ancienne, le brouet noir était composé de sang, de vinaigre, de lard et d'oignon. C'était en somme notre boudin sans boyau. Et toute la jeunesse était forcée de le manger. Hein. C'était là des restrictions alimentaires. Il y a eu là un homme extraordinaire, un cuisinier qui avait eu l'idée hein, de mettre ce brouet noir dans des boyaux. Il a inventé le boudin, mais en même temps, il dissimulait dans le boyau des morceaux de poulet ou des morceaux de poisson. Ce qui faisait qu'il faisait un petit... On pouvait faire un petit peu de marché noir, même à Sparte. Rue Tabaga fermentée. Un dernier adieu à ce vieux compagnon de notre hiver, le Rue Tabaga. On en a bien médi, on l'a bien tourné en ridicule. N'empêche qu'il nous a procuré bien du plaisir, cuit avec une trace de graisse de bœuf et un cube de bouillon. Mettons donc le Rue Tabaga à l'honneur avant de lui dire au revoir, ou peut-être adieu. Coupez finement les Rue Tabaga au couteau, de façon à faire des brindilles comme des allumettes. Dans un saladier, déposez une couche de ces brindilles sur une épaisseur de 4 cm environ. Salez légèrement au gros sel. Ajoutez une feuille de laurier, du thym, une échalote hachée. Couvrez avec une nouvelle couche de rutabaga, puis de nouveau sel, épices, puis rutabaga jusqu'à la fin du rutabaga. Sur le tout, versez un demi-verre de vin blanc. À même la masse, posez une assiette. Chargez-la d'un poids d'un kilo. Attendez 5 jours. Lavez les brindilles à l'eau froide pour les débarrasser de l'excès de sel. Posez le Rue Tabaga ainsi préparé dans un saladier, assaisonné avec de la fausse huile et du jus de citron. Édouard de Pomiane publie Cuisine et restrictions à l'automne 1940, quand le système de rationnement se met en place. Ça deviendra un best-seller, ce livre. C'est pas étonnant parce qu'il cherche à apporter un certain nombre de réponses à des problèmes quotidiens qui se posent à 40 millions de Français. Donc, c'est une sorte de guide de survie qui d'ailleurs s'accompagne d'un certain nombre d'émissions de radio. Fabrice Grenard. Puisque Édouard de Pomiane faisait déjà des émissions de radio avant la guerre et va continuer sous l'occupation à faire une chronique hebdomadaire. Une chronique, voilà, sur ses conseils culinaires. Lui-même avait déjà une certaine réputation, d'ailleurs, avant la guerre, comme bon connaisseur de ces questions-là. Et puis, les nombreuses rééditions s'expliquent aussi par le fait que, selon les saisons, selon les années, les pénuries vont pas s'exercer sur les mêmes produits. Et donc, une recette qui peut être écrite en 1940 avec certains produits de remplacement, peut-être qu'un an plus tard, ces produits de remplacement n'existeront plus, donc il faudra penser à autre chose. Alors, il procède un peu toujours de la même façon. D'abord, il explique ses fameux principes de gastrotechnie. Il parle des contraintes économiques. Il propose quelques astuces. Il insiste sur la lutte contre le gâchis. Et tout ça sans perdre son humour. Je vais vous lire. C'est peut-être ce qui a fait le succès de ce livre aussi. C'est le ton qu'il emploie. Il écrit, avant de proposer des recettes, « Nous confabulerons devant le fourneau avant de danser devant le buffet. » Que notre confabulation soit gaie puisqu'elle n'a pas le droit d'être joyeuse, qu'elle soit gaie du fait de la maladresse du maître autant que de celle de ses élèves. Nous allons faire ensemble une cuisine nouvelle, riche d'imprévus autant que pauvre d'ingrédients. Oui, alors effectivement, il y a de l'humour chez Édouard de Pomiane. Il y a aussi, quelque part, et je pense aussi que ça explique en partie le succès du livre, parce qu'il va bénéficier de soutien officiel, parce qu'il y a une sorte d'acceptation de la situation. Le sens de Pomiane, c'est de dire « Oui, c'est peut-être un peu difficile, mais ne vous inquiétez pas, on peut s'en sortir. » Il essaye justement, dans une époque déprimante, d'amener un petit peu de satisfaction, un petit peu de... Laurent Séminel. Ouais, de changer les idées, d'arriver à manger autre chose que juste pour se nourrir, de dépasser le stade de la survie pour aller vers quelque chose qui est justement un peu plus, peut-être pas festif parce que le moment s'y prêtait pas forcément, mais du moins avec un bon repas ou avec un repas fait avec trois bricoles, arriver à se sortir de l'obsession de la pénurie. Donc c'est un livre joyeux. C'est de la joie dans de la terreur, donc c'est une joie contenue, c'est une joie. Mais il n'est pas. Les gars, vous n'avez rien bouffé. Non, il n'y a pas grand chose, mais avec pas grand chose, on peut déjà faire quelque chose. Donc c'est très très. Semble-t-il, faire une mayonnaise sans œuf ni huile. Voilà, on fait des ersatz, et puis bah, ça marche plus ou moins, mais c'est mieux que rien. Donc, et puis ça rappelle. Le temps joyeux où il y en avait. Donc ça permet d'attendre le temps futur où il y en aura à nouveau. Exactement. Fausses huiles pour salade. L'huile peut être considérée comme une denrée inexistante. Il faut la remplacer par des liquides lubrifiants pour assaisonner les salades. Les salades sont des sources précieuses de vitamines. Ce sont, de plus, des aliments de lest indispensables. Le mieux est de les accommoder avec du sel, du vinaigre et un empois d'amidon à 5%. On le prépare de la façon suivante. Pesez 5 g de farine, ou mieux, de fécule. Les posez dans une petite casserole. Ajoutez, en mélangeant sans cesse, 7 cuillerées à soupe d'eau froide, portée sur petit feu. Chauffé en mélangeant, on obtient en une minute un empois fluide. S'il est trop visqueux, ajoutez un peu d'eau tiède. Mélangez, salez légèrement. Employez cet empois à froid en guise d'huile. On peut préparer aussi des liquides lubrifiants par des décoctions de graines de lin ou d'algues marines. On peut employer aussi de l'huile de paraffine. Celle-ci est devenue, de ce fait, excessivement rare dans les pharmacies. Avec une fausse huile à la fécule et un jaune d'œuf, on arrive à préparer une mayonnaise légère. On prépare aussi des rémoulades avec de la moutarde et de la fausse huile. Certaines de ces recettes, en fait, notamment, c'est dans Cuisine et Restrictions. Emmanuel Perraudin. Sur la pâte brisée, me semble-t-il. Il raconte, en fait, tous les doutes et tous les chemins qu'il a dû utiliser pour trouver quel était le pourcentage, en fait, de matière grasse à appliquer pour la farine, pour rendre cette pâte brisée mangeable, suffisamment souple pour être acceptable. Alors, il était tombé à 10% de matière grasse par rapport à la farine. Quelles sont les proportions ordinaires, sachant que Cuisine et Restrictions, comme son titre l'indique, traite de comment manger quand il n'y a rien à manger. On est sur un pourcentage bien plus important, on est plutôt à 75%, entre 50 et 70% de matière grasse. Julia Sergo, de me lire la table des matières de 20 plats qui donnent la goutte, table des matières qui s'intitule « Formulaire podagrogène ». Une soupe aux oignons et à l'eau de vie, une bouillabaisse, de la fondue au fromage, un pilaf au foie de volaille, une poitrine de veau aux champignons, une belle quiche au lard, une grosse carpe cuite au four, des paquets de tripes, un coq au vin, un cassoulet, un pâté de saumon, le poulet à la reine Marie, des choux braisés à viande perdue, des rognons flambés, une meurette d'anguilles, un jambon en croûte avec sa sauce, un hoche-pou, des langoustes à la crème, un goulage de queue de bœuf, un ragoût d'oie à l'aigre doux et la 21e recette, qui est bien entendu la piperazine midi. puisque c'est le laboratoire Midi qui avait un remède contre la goutte. Et donc, lui, de façon extrêmement humoristique, propose des recettes, en fait, qui donnent la goutte. Mais après, la 21e recette, c'est de prendre le remède contre la goutte. La piperazine Midi. La piperazine Midi, voilà. Et c'est un livre de commande qui était apparemment offert par les visiteurs médicaux lorsqu'ils allaient placer les produits des laboratoires Midi auprès des médecins et qui s'adresse d'ailleurs aux femmes de médecins. Donc c'est des petits tirages qui étaient réservés quand même. Face, ça commence comme ça. La goutte se meurt. En vain, pour faire une leçon à l'hôpital, le professeur cherche-t-il un malade classique pour palabrer sur la vieille peau d'agre ? Il n'en trouve pas. Est-ce une perte pour l'humanité ? Eh oui, car cette affection était l'apanage de ceux qui avaient su trouver dans la vie des plaisirs qui ne nuisaient qu'à eux-mêmes. Il est beaucoup plus moral, en effet, de jeter un regard de convoitise sur une table bien servie que sur l'épouse de son voisin. L'idée du mal qu'on ne se fait qu'à soi-même, ah, c'est un peu ça, quoi. Surtout présenter la goutte, qui est quand même une maladie. Ça provoque des douleurs atroces. Hein. Tout à fait. Mais lui, il le provoque comme un mal nécessaire, parce que qu'est-ce qu'on a pris son pied avant, quoi ? Qu'est-ce qu'on s'est fait plaisir ? Et puis on se fait du mal qu'à soi. Donc, c'est pas un crime. Et il y a ce côté bon vivant qui est là tout le temps, et qui est formidable. Parce que, voilà, il va. Voilà, quand il dit une belle quiche au lard. Dans la manière dont il raconte, et souvent dans ses recettes, il y a un truc qui est assez étonnant et qui est un peu perdu. Il donne des recettes à la première personne. Il dit, je fais ça, je coupe. Il explique comment il fait. Ouais, il explique, c'est très détaillé. Voilà comment je fais. Et en fait, il confie sa méthode. Il dit pas, c'est pas de l'impératif. C'est pas, faites cuire les petits pois 5 minutes, retournez. Non, c'est je fais comme ça. Et par moments, il dit, attention, là, ça va fumer. Donc, pensez à ouvrir la fenêtre. Parce que ça va fumer, forcément. Mais il faut que ça fume, parce que sinon, ça sera pas bien cuit. Donc, il y a tous ces petits détails, toutes ces petites choses un peu inutiles. Mais c'est justement ces choses inutiles qui rendent la recette. On n'a même pas besoin finalement de la faire. Il suffit de la lire et puis on déguste déjà plus ou moins. Donc c'est ça la vraie littérature gourmande. C'est ça le vrai livre de recettes. En fait, on peut lire sans cuisiner. Je ne suis pas sûr, Julia Sergo, qu'on sache très bien ce que c'est que la goutte aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans sa propre préface à son propre ouvrage, Pomiane dit ceci, « Les jeunes générations n'ont plus la goutte, mais elles se morfondent au régime. Nouilles sans beurre, beurre sans pain, pain sans sauce, sauce sans viande, viande sans truffe, truffe sans parfum, parfum sans bouquet, bouquet sans vin, vin sans ivresse, ivresse sans gaieté, gaieté sans femme, femme sans sein. » Saint du paradis, j'aime mieux avoir la goutte que de me priver de tous les charmes de la vie. Oui, c'est merveilleux. C'est une tellement jolie citation et en même temps tellement politiquement incorrecte. Enfin, imaginons qu'aujourd'hui un médecin écrive 20 plats pour devenir obèse ou 20 plats pour avoir le diabète. Ça passerait pas du tout. Donc c'est aussi révélateur d'une époque où on traite tout ça avec humour et en même temps... Il dénonce d'une certaine façon cette espèce d'ascétisme qui commence à se mettre en place dans ces années d'entre-deux-guerres déjà, avec un certain nombre de mouvements qui prônent la non-consommation de viande, la cuisine naturelle. On voit que ce qu'il dit en 1935, là, on y est complètement là aujourd'hui. Vous voyez, c'est très étonnant. Alors non pas qu'il faut que les gens aient la goutte, mais ça existe encore. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'on appelle l'urée en fait aujourd'hui, tout simplement. Ça porte un nom moins drôle. Voilà, ça fait partie de ces maladies liées à l'excès alimentaire. On pourrait presque penser qu'il y a des raisons d'en être fier. D'avoir la goutte, parce que ça signe une existence de jouissance. Mais c'est ça, parce que ça signe un état social. En réalité, on est encore dans cette période où l'abondance, quand même, est réservée aux riches. Il faut attendre un peu de temps pour que l'abondance touche les moins nantis, finalement, avec la malbouffe, notamment. Donc oui, ça signe un état social. C'est parce qu'on boit trop, c'est parce qu'on mange trop riche. C'est un entre-soi, la goutte, finalement. Je crois qu'il vaudrait mieux qu'on fasse une sauce, une petite sauce pour mettre dans les spaghettis. Ah, vous savez, moi, faites ce que vous voulez, je vous fais confiance. Regardez-moi bien, on va faire une sauce madère. C'est une très bonne idée. Je saupoudre avec un tout petit peu de farine. 15 avril 1951. Les rognons, et puis je vais verser du madère. Mais dans les cuisines, quand on apprend à faire la sauce madère, on dit au gosse qui va apprendre, vous prenez, bah, tu prendras le litre, là, tu débouches, tu mets le goulot de la bouteille dans ta bouche, tu renverses la tête, et puis tu bois, et de la main droite, tu tournes, on tourne la sauce, mais enfin, nous ne buvons pas tout, je vais remettre un petit peu de madère dans la poêle. Vous remettez du madère? Oui, bien entendu. Après avoir bu la bouteille? Vous savez, ça sera bouilli. Ça ne me plaît pas, vous voyez. Je ne vous en offrirai pas, ça ne fait rien, ça bouillit. Alors, à ce moment-là, la sauce cuit 2 minutes, elle est prête, et puis je dresse le plat. Je mets les spaghettis, dessus je mets les rognons, je verse la sauce, et puis alors, allez, vous allez en prendre un couteau, une fourchette, une cuillère, et allez-y, vous savez. Je sais manger les spaghettis avec la cuillère à la fourchette. Alors, lavez les mains en l'air, et voilà, tu vois, nous allons nous régaler. Eh bien, docteur. Et un petit coup de madère après, comme les Anglais. Pomian est presque le disciple d'un autre grand auteur culinaire français, d'origine polonaise comme lui. Henri Babinski, on connaît sous le nom de Ali Bab, qui a écrit un des ouvrages essentiels en fait du début du XXe siècle, qui s'appelle Gastronomie pratique. Emmanuel Perraudin. Et Babinski a préfacé Bien manger pour bien vivre, un des premiers livres de Pomian. Il n'est pas plus cuisinier que Pomian, pas du tout. Ingénieur des mines. Et sa préface a le même humour un peu sautillant que Pomian lui-même. Ah oui. Puisqu'il dit en substance qu'il se méfie beaucoup des médecins qui s'occupent de cuisine. Et Édouard de Pomian est médecin physiologiste. C'est exactement ça. Il n'a pas tort. Non, il n'a pas tort du tout. Pomian déjoue la prophétie, de toute façon, et montre bien que de toute façon, c'est l'exception qui confirme la règle, qu'on peut être médecin et s'intéresser avec intelligence et produire parmi les livres les plus importants, je pense, de la cuisine française au XXe siècle. On passe aux travaux pratiques, Hervétis. Ah, si vous voulez, oui. Alors, vous m'avez commandé une demi-livre de beurre et une demi-douzaine d'œufs. Et puis moi, j'ai de l'huile et du vinaigre. Oui, vous allez faire quoi avec tout ça? Je voudrais commencer par vous faire une mayonnaise pour vous montrer au microscope que ce n'est, contrairement à ce qu'a dit Pomian, c'est pas une émulsion réciproque d'huile d'olive dans le jaune d'œuf et de jaune d'œuf dans l'huile d'olive. Vous allez le voir de vos propres yeux, je vous le décrirai en vous le faisant. Et puis, on va faire une hollandaise, parce qu'il n'a pas dit que des choses fausses, hein, quand même. Quand il disait, il y a plusieurs sortes de liaisons, par exemple, la liaison à l'œuf, la liaison à la farine. C'est très récurrent chez lui, ça. Ouais, la liaison, ça marche bien. Oui, mais parce qu'il y avait les procédés de cuisson, les liaisons et l'assaisonnement, c'était les trois pieds. Donc, allons-y. Il nous faudra un fouet. Voilà. Alors, on commence par faire une mayonnaise. Hein. Alors, une mayonnaise, je vous rappelle qu'il n'y a pas de moutarde, hein, sinon c'est une rémoulade. J'y peux rien, c'est la vie. Hein. Hein, bon. Bref, alors donc là j'ai un œuf, je vais le clarifier, c'est-à-dire séparer le blanc du jaune. On transvase d'une coquille dans l'autre, voilà. J'ai mon jaune d'œuf, tout va bien. Alors maintenant, dans la vraie recette de mayonnaise, il y a une goutte de vinaigre. Donc ici, vous voyez, j'ai mon eau du jaune d'œuf, parce que je ne vous ai pas dit, mais le jaune d'œuf, c'est 50% d'eau. Je le mélange, et ça se mélange bien, parce que l'eau se mélange à l'eau. Voilà. Donc on a un truc jaune, un peu liquide. D'ailleurs, tiens, je vais le fouetter, vous voyez qu'il y a des bulles qui apparaissent. Donc, je verse une goutte d'huile. Hein. Vous voyez que cette huile ne se mélange pas à l'eau. La goutte n'est pas mélangée. Alors maintenant, le fouet, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait pas de miracle. Il coupe la gouttelette d'huile en deux et en deux et en deux. Donc là, je peux vous dire, sans regarder au microscope, qu'il y a des gouttelettes d'huile, des petites, si petites qu'on ne les voit pas. Et ça s'appelle déjà une émulsion. Ici, je fais un coup de fouet, je coupe en deux. Mais deux, je coupe en quatre. Donc 2, 4, 8, 16, 32, 64, voilà. Et 20 coups de fouet, ça fait 1 million. Donc il nous faut un microscope. Alors là, on a une sauce qui n'est plus liquide comme tout à l'heure. On ne voit pas les gouttelettes, hein. On voit quelques... Et on va aller la regarder au microscope. Ah voilà, là on a un microscope, j'ai une lame en verre dans les doigts, je prends mon couteau de poche, j'y mets une goutte, je l'étale vaguement, hein. Je me donne pas beaucoup de mal. Hein. Et alors, crac, je regarde, vous voyez trois grosses formes un peu plus sombres, oui. Ça c'est des bulles d'air. Donc il y a quelques bulles d'air qui traînent, mais on les a vues à l'œil nu. Hein. Alors cette bulle, celle-là, elle doit faire à peu près 1 mm de diamètre. Hein. Mais toutes les formes rondes qui sont dispersées à côté, c'est des gouttelettes d'huile. Donc, vous voyez, elles sont bien différentes. Elles sont plus petites que la bulle d'air. Et elles sont de taille variée. Variées. Là, avec la façon dont on fouette, elles sont de l'ordre entre un dixième de millimètre et un millième de millimètre. Hein. Mais vous voyez qu'elles restent rondes. Si elles restent rondes, ça veut dire qu'elles ont la place de bouger dans l'eau. Et c'est pour ça que la mayonnaise est encore liquide. Donc là, on a une mayonnaise qui n'est pas terminée, qui est une mayonnaise en début de mayonnaise. Alors on va aller maintenant la raffermir. Hein, et on reviendra regarder après. Fabrice Krenker, vous élaborez des confitures dans les Vosges alsaciennes. Lorsque vous avez eu en main conserve familiale et microbiote alimentaire par Édouard de Pomiane, chez Albin Michel en 1943. Ça a été un peu comme une révélation. C'était pour moi presque une révélation dans la mesure où j'estime que dans l'histoire de la confiture, qui commence donc au XVIe siècle avec l'arrivée du sucre de canne des colonies, il y a eu deux livres, deux écrits majeurs pour la confiture. Il y a eu le premier en 1554 ou 55, Nostradamus, qui a écrit le premier livre « Façon et manière de faire confiture, tant en sucre que miel et vin cuit ». Et après l'édition de ce livre de Nostradamus, tout le monde a copié sur lui, finalement. Il y a eu du plagiat pendant 400 ans, que ce soit Olivier de Serres ou Menon ou Massialo. Ils ont tous repris ce socle qu'a posé Nostradamus au XVIe siècle. Et il a fallu attendre le livre d'Édouard de Pomiane pour faire une rupture où la fin de la recette ne se finit pas par toujours la même phrase « laissez cuire jusqu'à consistance », ce qu'on avait écrit pendant 400 ans. Lui, il écrit « laissez cuire jusqu'à ce que la confiture ait une teneur totale en sucre supérieure à 65%. » Et il explique comment y arriver. Donc là, on part sur un nouveau modèle de fabrication. Dans un luxueux restaurant proche des Champs-Élysées, dîner avec le docteur de Pomiane, l'alerte et célèbre gastronome qui aura 83 ans au prochain marron glacé, et reçu ce soir par quelques grands peintres de ses amis et leurs modèles. Or, chacun des maîtres du temps présent s'est fait la tête d'un maître du temps passé. Reconnaissez donc au hasard de vos souvenirs d'histoire de l'art Goya et le Titien, Velasquez et Fragonard, et au hasard de vos rencontres ou de vos lectures modernes Touchag et Edmond Heusé, Dreno et Fontana Rosa, Laville et Gabriel Domergue. Mais pourquoi, direz-vous, toute la peinture des cinq derniers siècles est-elle ici? Eh bien, c'est qu'Édouard de Pomiane s'est révélé à 82 ans, mais oui, artiste peintre. Une telle recrue pour l'art moderne, il convenait de la fêter dignement. Ce qui fut fait, et le gâteau qui terminait ce dîner était, bien entendu, en forme de palais. C'est plus de temps à peindre ou à cuisiner ? Non, plus de temps à travailler à l'Institut Pasteur, ça c'est sûr. Mais il aimait beaucoup inviter chez lui, il recevait du beau monde, il était assez mondain, de ma vision de petite fille, il était assez mondain, ce que n'étaient pas du tout mes parents. Et je crois qu'il y avait un défilé chez lui, il y a même eu des mannequins de Elle qui sont venus poser dans cette fameuse cuisine. Il a perdu sa femme à ma naissance, donc en 1946. Hélène de Tovar. Et moi, je l'ai toujours entendu parler des femmes après. Il aimait bien les femmes. Il aimait bien les femmes, mais je n'ai pas de souvenir d'aventure, je n'ai pas de nom, mais je savais, par exemple, un truc très cocasse, c'est que le dimanche, on allait dans une toute petite maison à Véteuil, c'est près de Mantes, pas loin de Giverny. On mangeait des pieds de cochon panés, qu'on faisait griller dans la cheminée. Ça, c'était le plat favori du dimanche. Donc, on suçait tous ces petits os. Et il nous disait, bon, bah, vous me les donnez, parce que demain, avec tout ça, je fais un bouillon pour la duchesse, machin. Et c'est, il nous en a fait, c'était délicieux. Comme on fait des bouillons de poulet, lui, il faisait des bouillons d'os, de pieds de cochon. Et la duchesse ne savait pas forcément que, absolument, que les os avaient été... Mais c'est pas impossible que, qu'il lui dise aussi. Parce que c'était un personnage très vrai et c'était pas impossible. Mes parents avançaient toujours la montre pour se coucher plus tôt, le 31. Et il disait à mes parents, mais vous êtes des vieux. Il avait déjà 80 ans. Il disait, mais vous êtes des vieux, mais moi, je veux sortir. Donc, il prenait un taxi, il allait faire la fête ailleurs. Voilà. C'est quand même un scientifique de haut niveau, hein, qui fait des recherches très pointues, qui écrit dans des revues de recherche médicale, etc. Bon, Julia Sergo. C'est un schizophrène, hein, entre Pozersky pour ses travaux de médecine et puis Pomian pour la gastronomie. Mais c'est quand même incroyable parce que c'est un musicien, il est violoniste, c'est un peintre qui a fait quand même des expositions à Paris, c'est un artiste et en réalité... Il analyse l'art de bien manger à l'aune de sa connaissance des autres arts, en fait. Hein? Et ça, c'est très novateur aussi. Donc, c'est vraiment un personnage étonnant. Je trouve un personnage très romanesque, en réalité. Il raconte quand même que quand il est préparateur dans le premier labo où il travaille à la Sorbonne et qu'il n'a pas d'argent, il se fait sa petite tambouille dans un coin du labo, il y attache de l'intérêt. Et quand il raconte comment son patron Albert d'Astre. Voilà, d'Astre se rend compte qu'il fait de la cuisine dans un endroit où il n'est pas censé quand même en faire et que finalement ils se mettent à partager tous les deux des bonnes grillades avec un bon vin et qu'ils se mettent à discuter pâtisserie et que l'autre apporte des choses. Bon, voilà, donc oui, c'est la recherche, mais c'est aussi en même temps ce plaisir, c'est-à-dire il se rend compte à quel point c'est humain, tellement humain, l'alimentation, ça participe tellement du bonheur simple. Donc, j'allais dire une cuisine simple pour un bonheur simple, tout simplement. Enfin, c'est ça c'est qu'il m'inspire, moi, Pomian. Depuis combien de temps faites-vous des dîners? Bah, mettons depuis un demi-siècle, comme ça tout le monde sera content. Vous en tirez très habilement. Alors je ne vais pas insister, je vais vous demander de nous faire faire un petit tour d'horizon gastronomique, puisqu'à la manifestation dont je parlais il y a un instant, on pouvait déguster, je ne sais pas moi, une bonne centaine de plats différents, et je suis modeste, répartis dans des stands appartenant à tous les pays du monde. Oui, oui, ben voilà, je vais vous dire maintenant comment ça s'est passé. C'est moi-même qui ai installé tous ces stands, hein, et j'en ai été du reste très, très amusé et très heureux, parce que ça me rappelait le temps de ma jeunesse où j'organisais soit le bal de l'internat en médecine, soit le bal des Quatre-Arts de l'école des Beaux-Arts. Par conséquent, nous étions partis dans la joie pour faire cette manifestation. Il y a une chose qui m'a beaucoup amusé, c'est que les gens qui étaient arrêtés ou qui naviguaient entre les différents buffets échangeaient des conseils. Et on entendait des gens qui vous disaient « Allez vers la Chine, ça c'est absolument extraordinaire, il y a des pâtés de viande qui sont merveilleux. Mmh. » Ensuite, quelqu'un disait « Mais non, retournez vers le Portugal. Vers le Portugal, il y a un Porto, mais alors un Porto vraiment, vraiment sensationnel. » C'était inouï, c'était un spectacle. Je vous dis, moi j'ai assisté au spectacle depuis l'installation jusqu'à la fermeture des portes. Eh bien, on était heureux, au somme, de voir que l'humanité avait de quoi manger et que les gens ne se disputaient pas autour des tables, hein, et que les plats, au fond, malgré des grandes, quelques différences, étaient en harmonie. Je ne sais pas, au fond, je ne sais pas pourquoi les peuples se disputent. On n'aurait qu'à inviter tout le monde à table tous les jours. C'était la minute du professeur Édouard de Pomian. À jeudi, à la même heure. Avec Laurent Séminel des éditions Menu Fretin, Emmanuel Perraudin, cuisinier et historien, Hélène de Tovar, petite fille d'Édouard de Pomian, Julia Sergaud, historienne de l'alimentation, Fabrice Grenard, historien, directeur de la Fondation de la Résistance, Fabrice Krenker, maître confiturier, Hervé Tiss, directeur de recherche à l'INRA. Extrait de Radio Cuisine, Cuisine et Restrictions et Recettes Nouvelles pour le Printemps, lu par Thierry Beauchamp. Merci à Sabine Buquet des éditions de L'Épure, à France Bleu Alsace, à Daniel Demélier des archives de l'Institut Pasteur, à Annick Perrault du musée de l'Institut Pasteur. Les éditions Menu Fretin ont récemment réédité d'Édouard de Pomian La cuisine en 10 minutes et Radio Cuisine. Suivront bientôt 20 plats qui donnent la goutte à l'automne 2018. Bibliographie sur franceculture.fr. Attaché de production Francesca Fossati et Aurélie Marseille. Prise de son Laurent Lucas et Philippe Thibault. Archivina Hervé Evano et Viviane Lefebvre. Mixage Bruno Mourlan. Édouard de Pomian, médecin, chercheur, cuisinier, gastronome. Un documentaire d'Olivier Chaumel réalisé par Thomas Duterre. Voilà donc pour ce deuxième temps de notre série consacrée à l'histoire de la cuisine dans la fabrique de l'histoire. Si vous voulez réécouter ce documentaire, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter, c'est Fabrique FC. Fabrique FC. Demain, nous continuerons notre série sur la cuisine en nous intéressant aux banquets du 19e siècle, qu'ils soient républicains ou pas.